Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi s'arrêter à Moïse et non à la conquête de la terre promise pour délimiter les 5 premiers livres de la Bible, demande Thomas Römer. Pourquoi le Pentateuch qui réunit ses 5 premiers livres l'a-t-il emporté sur l'Hexateuch qui réunissait 6 livres dans l'organisation de la Bible et quel en est l'enjeu idéologique? Quelles sont les proto-écritures et la diversité des textes de la Bible? Que peut-on dire de l'histoire des canons bibliques? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, nous entraîne dans une grande enquête au cœur des textes bibliques, mais aussi dans la perspective des dernières découvertes archéologiques, dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « Naissance de la Bible, anciennes et nouvelles hypothèses ». Depuis les cours précédents, Thomas Römer a introduit les difficultés à dater les textes et le long processus qui mène à l'organisation des différentes sources et aux canons bibliques. À propos de la formation des canons de la Bible, le philologue exégète note, et je le cite, « Le canon tripartite de la Bible hébraïque, la Torah, les prophètes et les écrits, qui deviendra avec différentes modifications l'Ancien Testament des églises chrétiennes, ne s'est constitué qu'au 1er siècle de notre ère. Il est possible de saisir assez précisément le début de la fixation d'un corpus biblique, à savoir le Pentateuch, dont une première version a été promulguée entre 400 et 350 avant Jésus-Christ. Cette mise en commun des différentes traditions narratives, rituelles et législatives, qui deviendra le fondement du judaïsme naissant, n'a cependant pas été inventée à cette époque. Les textes bibliques ont une préhistoire qui a commencé quelques siècles avant cette date. Thomas Römer rappelle également que les débuts de la mise par écrit des premiers textes bibliques sont à situer aux alentours des 8e et 7e siècles avant Jésus-Christ. Durant cette époque, les royaumes d'Israël et de Juda se trouvèrent sous occupation assyrienne. En 722, les Assyriens détruisent Samarie, la capitale d'Israël, et incorporent le royaume du Nord dans le système des provinces assyriennes. La fin du royaume du Nord signifie un essor pour Jérusalem, dont l'étendue et la population s'accroissent énormément. Des réfugiés de l'ancien royaume du Nord apportent peut-être dans leur bagage des rouleaux de traditions qui existaient dans les sanctuaires d'Israël. L'épopée de Jacob, la narration de l'Exode, et sans doute aussi les rouleaux contenant des oracles des prophètes Amos et Osée. La reconstruction littéraire du contenu exact de ces écrits est impossible. Tous ces rouleaux, note encore Thomas Römer, connurent une nouvelle édition à Jérusalem dans une perspective judéenne. Alors comment est-on passé de l'écriture phénicienne à l'écriture araméenne dite carrée? Quels étaient les supports pour écrire? Quel est l'apport des textes massorétiques et sur quels textes travaille-t-on? Et tout de suite, pourquoi y a-t-il deux options différentes pour délimiter la Torah? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 28 mars 2019 pour le cours de Thomas Römer, Naissance de la Bible, anciennes et nouvelles hypothèses, aujourd'hui l'histoire du canon tripartite et du texte biblique. On s'était arrêté la semaine dernière, c'était en effet le contexte de l'époque perse. Je vous ai expliqué que c'est en effet le contexte le plus vraisemblable pour imaginer la mise en commun des différentes traditions qui vont former le Pentateuch. La promulgation de la Torah est avant tout une décision interne. Mais une décision de qui? Qui a décidé ça? Alors, souvent on dit ça, tout ça s'est fait en fait à Jérusalem. Est-ce que c'est aussi sûr?